acolytes. L-E-R-T-I-C, R-D-C-M, C-Mine, 30132, S-A-U-V-A-G-E. Les gens prennent, les gens parlent, y'a vraiment trop d'amalgame. Le racisme est de partout, tu t'en rends compte et t'amalgames. Tu crois que faire bouger les choses, c'est pas pour toi, t'as pas l'âge. Il suffit juste d'en prendre conscience, rap même pour les appareils. Je viens pas poser, afin de donner des leçons. Je me rends juste compte que beaucoup trop dénigrer le son. C'est presque une mode à la con qui fait grogner. Je vois rien que des cons, des bâtards et des grogner le son. Et la parole qui le dénonce pour les paringes qui le démon. Les apparences et leur nuance, je pars en voyage, gravir des monts. On a du poste au ressenti, donc le sale ton est de sortie. Je casse des dix, ceux qui cassent, ceux qui entrent et sont ressortis. On met des blagues dans des jingles, mais laisse pousser des jeunes. Pendant que des hommes arrivent des jeunes, c'est la déprime, pourtant je suis jeune. Mais là, je te jure, j'ai une gueule. Nique le racisme, le fascisme et le néonazisme. Anarchiste, qui résiste et pas de façon laxiste. Ils nous auront pas, mais nos voix ni nos âmes. La France des monarques ou même des fascistes démoniaques. Et nique le racisme, le fascisme et le néonazisme. Anarchiste, qui résiste et pas de façon laxiste. Ils nous auront pas, non, ni nos voix ni nos âmes. La France des monarques ou même des fascistes démoniaques. On nous stoppe dès qu'on agit, nous plaint dès qu'on en chie. Nous qualifie sans voir le blanc du drapeau que l'on agit. Technique, je m'enrichis, des livres et des litres. De la rage contre la machine, à la révolution que j'imagine. J'aimerais encaisser les coups, ma fougue et mes doutes. Ameuter les foules, sauver le pouvoir en menant les foules. Anti-système, j'emmerde tout ce qui me rappelle l'ordre. Code, bavure et ordre veulent s'engager dans les forces de l'ordre. Conservateur, gaulliste, ex-68art. Tous ces racistes qui voient des noirs comme des ex ou futurs taulards. Ma haine est sans mesure, l'épreuve me semble sûre. Le monde paraît beau, seul Copenhague que l'assure. Un pays militaire en guerre contre lui-même. Une terreur de merde où ils assemblent les terroristes aussi même. RDA te l'a dit, y'a trop de marines dans les mairies. Encore trop de Jean-Marie dans les gendarmeries. Nique le racisme, le fascisme et le néonazisme. Ça sera anarchiste, qui résiste et pas de façon laxiste. Ils nous auront pas, ni nos voix ni nos âmes. La France des monarques ou même des fascistes démoniaques. Et nique le racisme, le fascisme et le néonazisme. Ça sera anarchiste, qui résiste et pas de façon laxiste. Ils nous auront pas, non, ni nos voix ni nos âmes. La France des monarques ou même de fascistes démoniaques. Sur le racisme, mon pote, j'ai aussi ma part à dire. Que ce soit Yacine ou Anto, on cherche tous le paradis. Eh, hey, sale raciste, toi qui n'aimes pas les couleurs, tu vas goûter à ma colère comme Son Goku face à couleur. Faut rester couleux face à la droite et ses paroles. Pendant que eux ils critiquent en faisant une partie de tarot. On veut être objectif, mais c'est le mal qui nous divulgue en montrant des projectiles sur leurs journaux qui nous diffusent. Tandis quoi, toi, eh ben, ferme-la, je m'en bats les couilles. Et sache que le racisme n'atteint pas que les gars des tours. On est ouvert d'esprit, la couleur nous importe, désespéré, je tape un sbire quand je vois le racisme qui s'impose. Nous juge pas par notre physique, trop de préjugés. On fait pas d'homicide, mais y'a quand même trop de frères jugés. L'État nous délaisse, histoire qu'on se démerde. La rue c'est notre domaine, c'est avec nos mains qu'on se démène. Le racisme, le fascisme et le néonazisme. Ça sera anarchiste, qui résiste et pas de façon laxiste. Ils nous auront pas, ni nos voix ni nos âmes. La France des monarques ou même des fascistes démoniaques. Et nique le racisme, le fascisme et le néonazisme. Ça sera anarchiste, qui résiste et pas de façon laxiste. Ils nous auront pas, non, ni nos voix ni nos âmes. La France des monarques ou même de fascistes démoniaques. Ok, je trouve ça fâcheux, même fâchant de voir qu'il y a tant de fachos qui vénèrent l'ethnie, jettent la différence au cachot. Trop de conneries humaines, d'ambit, chaos, de racisme, de peur, d'insécurité, donc de néonazisme. La xénophobie dans le monde est omniprésente. Elle est la cause d'homicides et de paroles déplaisantes. Des fois même de missiles sur des villages innocents. De guerre de religion, de milices aux combats incessants. Ça devient choquant, les choses vont en se décuplant. On se traite de langue de pichniac, négro, bougnou, les cubains. Dans ma famille, y'a plein de bambins issus du métissage. Je jure de bomber ceux qui traitent de bâtards l'un de ces petits singes. On porte les valeurs d'un peuple, on en paye le pas. Ces mentalités rétroactives poussent à des choses insensées. Le racisme engendre insultes, offense et mal-être. Avant son main dans la main, c'est ce que je viens de dire dans ma lettre. Le racisme, le fascisme et le néonazisme. Ça sera anarchiste, qui résiste et pas de façon laxiste. Ils nous auront pas, ni nos voix ni nos âmes. La France des monarques ou même des fascistes démoniaques. Et nique le racisme, le fascisme et le néonazisme. Ça sera anarchiste, qui résiste et pas de façon laxiste. Ils nous auront pas, non, ni nos voix ni nos âmes. La France des monarques ou même des fascistes démoniaques. Démoniaque, démoniaque, démoniaque.